Fadjet, c'est plus qu'une radio. À Nancy et partout en Lorraine, il est 20h. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à l'humour sur Fadjet Rock'n'Roll. Nous faisons en votre compagnie un petit tour une fois par mois, bien sûr, dans le doux monde de l'humour, des sorties possibles. Nous sommes accompagnés d'invités, on va pas tarder à vous le présenter. On vous propose des quiz loufoques, des billets drôles. On vous propose aussi des même des jolies histoires culinaires avec Bertrand. Et enfin, ce mois-ci, nous fêtons l'arrivée d'une nouvelle chroniqueuse, Marine, avec sa LOLbrerie. On en dira plus tout à l'heure. Bonjour à toi Marine, ça va ? Bonjour, ça va. T'es content d'être là ? Pas trop stressé ? J'ai chaud. T'as chaud, c'est normal, il fait 70 degrés dans le studio, même en hiver. Donc on a aussi... C'est une jeune humoriste, il faut le préciser, hein, jeune humoriste qui nous fait le plaisir de se joindre à nous. Et il y a aussi un personnage que je n'ai plus envie de présenter. C'est l'inimitable personnage comico-cynique Bertrand. Mais oui, ça lui va bien, je trouve. Ça va bien. Je me reconnais toujours. Ça va très bien. Et toi? Bah écoute, plutôt bien. Cynique. Bah non, mais j'ai que ça. Après, faudra changer peut-être les phrases au fil des mois parce que oui. Ça fait quand même. Moi, j'arrive à faire du leaping de ta présentation. Oui, c'est vrai. Et donc, comme je le disais précédemment, nous recevons aussi un invité chaque mois. Et ce mois-ci, c'est Thomas Dizaine. parce que c'est comme ça qu'il a été présenté juste avant dans Menu étudiant. Mais c'est Thomas Dizaine, entre autres, pour la série notamment Zone 42, mais je dis entre autres parce qu'il y a bien d'autres choses qui se cachent derrière ce petit personnage haut en couleur. Ça va Thomas ? Ça va très bien. Voilà. Donc, voilà. Enceinte et succinct. Je t'avais dit qu'il allait mettre l'ambiance. Il a mis l'ambiance du tonnerre et c'est pour ça que vous êtes à 20h02 tout simplement. Et on va commencer directement avec Bertrand. Et alors ça, quel titre ? Pas Bertrand. Du synthé, Banana Split, hein. Ça se. Tu te rappelles de ce son-là ou pas? J'ai cru entendre ce genre de sonorité quand j'étais dans le coma. Voilà, mais en règle générale, on fait les interviews de manière plus classieuse. Et on va le faire plus tôt. Non, mais moi j'aime bien, hein. C'est vrai, vas-y, laisse cette ambiance pop. On commence tout de suite Rock'n'Roll, il est 20h03. Et bien avec Thomas. Je disais Bertrand tout à l'heure, mais je vais plutôt commencer avec Thomas qui n'arrête pas de rire. Donc à chaque fois que vous entendrez un rire au micro, c'est Thomas. C'est ça. Mais à part là. Fais-le. Non, t'arrêtes. Alors Thomas, je vais énumérer tout simplement ce que tu es. S'il n'y en a pas assez, tu en rajoutes. Pour l'instant, on parle de toi. Dans un premier temps, on va parler que de toi. Ok. Ton émission, oui, ton œuvre, tes toi. Cheveux, ta moustache. Thomas, tu es comédien improvisateur, diplômé de l'IECA. Ouais. Je crois, mais je ne le précise pas généralement. Eh ben moi, j'ai envie de le préciser. Ok. Donc automatiquement, tu es passionné de cinéma. Oui. De vidéo. Ouais. Alors, à partir de quand tu as commencé tout simplement? Alors, je pense que tu as commencé en premier lieu par le théâtre, c'est ça? Ouais, j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 10 ans. Ouais. Donc, c'est pas du théâtre, c'est quand t'es au collège et que t'as un cours de théâtre. Ah, donc ça, c'était un cours de théâtre. Voilà, mais on a commencé, j'ai fait des cours de théâtre au collège, mm-hmm. puis au lycée. Puis ensuite, j'ai rencontré un certain Tony Dupuis, oui. avec qui on a monté une compagnie de théâtre. Puis ensuite, on a rencontré un certain Charlie Toutain qui nous a fait découvrir l'impro, et voilà. D'accord, donc au départ, c'était pas. Vous êtes tourné vers l'impro. Par cette rencontre, donc Charlie Toutain. C'est ça. Et donc tu as commencé très très jeune toi. Ouais. Enfin très jeune, le théâtre à 10 ans, l'impro j'ai commencé aussi. À 16 ans. L'impro t'as commencé à 16 ans. Ouais. D'ailleurs je me rappelle, j'ai retrouvé d'ailleurs quelques photos dernièrement de toi dans les... Peut-être les débuts, alors peut-être pas 16 ans mais guère après. Moi j'ai vu une vidéo où j'avais 17 ans. C'est vrai ? Oui, mon corps a brûlé. Et donc aujourd'hui ce qui fait, pas loin de 10 ans d'impro ? Oh non, pas du tout. Ah bon ? Ben non, j'ai 23 ans. Ah mince, que tu es jeune encore. Que jeunesse, Bertrand, on a pris un coup dans la gueule. Hein, quand t'as même. Vu la barbe que je viens de me taper du coup là. Là, on en a pris un petit coup dans la tête. Hein. En tout cas, oui, non, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je t'ai pas demandé ton âge, effectivement, tu as 23 ans. Oui. Et j'en croyais 26, moi je sais pas. Tu vois, c'est la moustache. C'est la moustache. C'est la barbichette. Et donc, tu t'es tourné vers des études de théâtre par la suite. Pourquoi et comment ? Ben, au début, j'ai fait des études de sport. J'ai fait STAPS et j'ai fait 6 mois. Après, j'ai fait 6 mois de Xbox. Oui. Et puis après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que j'aimais, c'était faire du théâtre. Et voilà, donc je me suis tourné vers la fac de lettres. où j'ai fait culture et communication, juste parce que dedans il y avait des cours de théâtre et des cours de manga et des trucs qui me plaisaient. Puis après j'étais en audiovisuel parce que les cours de théâtre ne me plaisaient pas. Non, mais voilà, c'est ça, parce que tu aurais pu tourner avant vers le métier de comédien. Oui, oui, mais en fait j'ai fait des études parce que ma maman m'a dit de faire des études, mais ça m'a pas plu. Donc t'as essayé de faire des études en lien pour... Voilà, ouais, pour dire je vais pas faire des trucs qui me font trop chier. Donc j'ai fait des trucs quand même qui me plaisaient un minimum, mais c'est uniquement pour faire plaisir à mes parents. D'accord. J'ai fait ça. Donc t'as eu le temps pendant ces études d'avoir aussi des petits projets ciné, court-métrage. Oui, ça m'a permis d'avoir un statut étudiant et à côté de rencontrer plein de gens et puis de faire des trucs. Et que au moment où je sors de ma licence, je sois pas... complètement vierge de contact ni d'expérience. Parce qu'en règle générale, quand on sort de cette licence, on se dirige vers quoi ? Vers le chômage. Ce qui est déjà une voie commune. Ce qui est une voie, voilà. Voie parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il y a plusieurs métiers qui dirigent vers le chômage. Hein. Faut dire aujourd'hui, il y a quand même pas mal de taf qui promettent à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de métiers autour du cinéma. Maintenant, est-ce qu'en restant à Nancy ? Bah, c'est le souci, ouais. Mais nous, moi, les trucs de vidéo, je vide pas de ça. Pour le moment, c'est vraiment qu'une passion. Les trucs qui me permettent de gagner la vie, c'est l'impro et les cours d'impro que je donne à droite à gauche. Donc aujourd'hui, c'est ça, tu donnes des cours. Ouais, et la vidéo, c'est un à côté pour le moment. D'accord. Bien que depuis quelques mois, il y a des petits trucs qui se font en vidéo, notamment grâce à la série. D'accord, on va en parler dans une deuxième partie de notamment les projets qui sont en cours. Et on va commencer par une chronique simple, efficace. On fait découvrir un artiste qui se produit. C'est un artiste de renommée nationale, voire internationale au niveau de l'humour. C'est vrai qu'on parle ici dans Rock'n'Roll de l'humour. Alors au sens large du terme, on ne se réduit pas bien sûr au one man ou au stand-up, mais il y a aussi de la vidéo, du cinéma, de la littérature, notamment aujourd'hui aussi avec Marine, et même de la cuisine drôle avec Bertrand, voilà, qui nous embarquera tout à l'heure, hein, sur son paquebot culinaire, parce qu'il aime, nous faire voguer, voyager, ce coquin. Sur un océan de saveurs. Et il est un peu triste, mais il le précisera tout à l'heure. Pourquoi? Et il est 20h07 dans Rock'n'Roll, et on va faire un questionnaire. Enfin, c'est un questionnaire. C'est un question pour un comique. Voilà, hein, je sais que c'est pas très original, mais donc je vous donne à peu près une trentaine de secondes pour découvrir ce comique, et je le fais à la manière de Julien Lepers, bien évidemment. Enfin, j'essaye de m'efforcer, parce que je le dis aussi à chaque fois, et Bertrand sait pourquoi, nous avons un spécialiste, hein, dans la salle de ce type d'exercice. Alors, par exemple, certainement une allusion au fait que j'ai participé il y a de ça une année à une émission prestigieuse. Ah oui, c'est vrai. C'est un animateur prestigieux. C'est ça. Est juste ici, qui est présentateur le jour et justicier la nuit. Justicier la nuit, c'est ça. Et donc, c'est Julien Lepers. Vous êtes prêts? Alors, oui. Il y a toujours, je sais pas comment on est dans l'émission, mais il y a un petit. C'est surtout toi qui joue. Un petit ok, je sais. C'est surtout toi. Il y a aussi Marine qui peut jouer. Alors, tu essayes de me laisser un petit peu de temps quand même avant de trouver tout de suite. Hein. Ok, tu vas me donner un extrait d'humoriste. Il faut que je devine qui c'est ça. Ça commence toujours. Tu sais, c'est la phase finale. Ah ok, c'est le truc de question pour un champion à la fin. Exact. Okay, je vois. Marine, tu as le droit aussi de faire. Et vous pouvez faire ce bruit-là dès que vous avez. Alors, soit vous avez la possibilité de faire ce bruit-là avec votre bouche. Voilà, mais c'est compliqué. Ok. Soit vous pouvez faire ce bruit-là aussi. Voilà, ça veut dire je sais. Ça marche. Si tu lèves la main, tu sais. Bon voilà, mais comme j'ai pas la possibilité de vous faire buzzer de là-bas, vous êtes prêts ? Oui. Suspense. Et je vais très vite. Né en 1991 dans le 16e arrondissement de Paris d'un père travaillant dans l'immobilier, d'une mère dans la finance. Attendez. Je vous ai dit de me laisser tourner. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas les règles. On a buzzé en même temps. Laissez-moi finir. Né en 1991 dans le 16e arrondissement de Paris. Je vous ai dit terminer le truc. Arrondissement de Paris d'un père travaillant dans l'immobilier, d'une mère dans la finance. Je suis d'origine juive tunisienne par sa mère et juive algérienne par son père. J'ai deux frères, Kaden, Noam et Lyron Samja, si vous saviez son nom de famille. Je débute le théâtre à l'âge de 7 ans. À l'adolescence, ma famille déménage à Pantin, en Neuilly-sur-Seine, pardon, m'orientant un temps vers le cinéma après m'être vu offrir en 2000 un petit rôle dans le film Court Toujours de Dan Desart. Je passe par la suite de nombreux castings qui se révéleront pas concluants. Je commence alors à écrire mes propres sketchs dans la même année avec l'aide de mes amis dans un cahier de cours d'histoire géo. En 2009, j'obtiens mon baccalauréat littéraire au lycée Pasteur de Neuilly. Avec des textes liés à l'adolescence, je suis repéré aussi en 2009 par Elisa Soussan, productrice d'Anne Roumanoff, qui m'invite lors d'une soirée carte blanche à me produire sur la scène de l'Olympia. S'ensuit la carrière que l'on me connaît. Je joue au Zénith de Maxéville, le dimanche 7 juin 2015. Je suis Smadja Kevin, dit Kev Adams. Voilà, bravo. Bon, j'avais trouvé au bout de à peu près 30 secondes. C'est vrai. Mais au moins, je suis contente. Je ne connaissais pas du tout son parcours. Et tu sais pourquoi j'ai choisi cet humoriste? Parce qu'il est né en 91. Non, parce que t'es né en 91 aussi. Bon, bah alors voilà. Et aussi parce que je pense que Thomas déteste. Non. C'est aussi... Non, mais d'ailleurs, on a une précision à faire parce que des gens pensent que c'est vrai. Le 1er avril, on a fait une blague sur la page de Zone 42. Alors, oui, c'est ça d'ailleurs. En faisant croire à tout le monde que Kev Adams allait jouer dans la série. Oui, j'avais vu ça. Et c'est faux. C'est faux parce qu'il y a des gens qui m'ont arrêté la semaine dernière, notamment en me disant vous êtes la série où Kev Adams va jouer? Et pas du tout. Bon, c'est bien, ça te fait un peu de com'. C'est ça, ça fait de la com', mais c'était vraiment pas volontaire. Mais c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et puis, ça a été bien fait aussi, ça a été bien amené. Avec le tweet fake. Oui, merci à Gaëtan pour nous avoir fait. C'était bien modifié, tu vois, le truc rajouté. Ouais, il avait bien fait son truc. Hein. Il a bien fait son truc. Même donc... sur Facebook, hein, moi je pensais que c'était un peu crédible, quoi. Tu crois? C'était le 1er avril, donc. C'est ça, mais on a essayé de le faire très tôt pour que les gens s'en rendent pas compte. Si on le fait à 16h, les gens font ouais, c'est bon, c'est le 50e 1er avril qu'ils ont eu, donc. Alors justement, pour ça, on parlait de Kev Adams. Est-ce que. Bah, toi aussi, Marine, parce que tu es un peu nouvellement dans l'émission. Est-ce que c'est un type d'humour dont vous êtes sensible? Tu peux être honnête. Non, moi, pas du tout. Après, bon, moi, je connais Kev Adams là depuis quelques années, donc j'étais déjà adulte. Mm-hmm. Donc j'accroche moins parce que, voilà, ça me parle pas, quoi. Mais peut-être qu'à 14 ans, j'aurais bien aimé, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on trouve. Il n'y a pas une personne qui connaît l'humour qui ne critique pas Kev Adams. Moi, au-delà de ça, c'est un parcours remarquable. Ah oui, clairement. Moi, j'ai regardé son spectacle en entier. Ah, ouais, sur, moi, il était rediffusé, je crois. Ouais, je me suis dit, vas-y, je me le mate. Comme ça, j'ai au moins, j'ai un point de vue critique sur son truc. Mm-hmm. Je me suis fait chier. Mais après, je me rends... Le gars sait tenir une foule, sait comment se tenir sur scène, il fait le taf. Ouais. Après, voilà, c'est pas notre type d'humour. C'est plus pour les plus jeunes, mais... Vous pensez que c'est un humour pour les plus jeunes? C'est pas méchant, ouais, moi, je trouve, comme non, humour, clairement c'est pas. Il est pas, voilà. C'est juste que c'est pas dérangeant. Il y a de la. En fait, il sait tenir une scène. Effectivement, il y a la forme, mais il y a pas de fond extraordinaire. C'est juste que. Bon bah un sketch sur les profs, enfin voilà, il limite, enfin je trouve ça un petit peu, moi ça me parle pas déjà à la base. Et puis c'est vrai que ça techno pas... notamment, ouais. Je trouve qu'il fait des blagues qu'on a tous fait quand on était au collège lycée, quoi. Mais alors pourquoi ça marche encore? Parce que moi, si vous voulez savoir la recette, pourquoi c'est quoi ça marche chez les plus jeunes? La séduction, le qu'est-ce qui marche? Ça com. Non, puis ça cartonne, je suis désolée. On peut pas écrire non plus n'importe quoi. C'est populaire, quoi. Ça parle à tout le monde, ouais. En fait. Tout ce qui parle, quand ils parlent des trucs aux jeunes, les jeunes ils se reconnaissent immédiatement à ça. Ils font ah ouais, c'est tellement vrai, c'est vraiment le truc qu'on connaît. Donc du coup, ça leur parle, ça les touche, quoi. Alors malheureusement, ce qui arrive souvent avec les jeunes, et ce qui est arrivé avec. On s'en lassait. Avec Laurie. Mais, moi j'aimais bien Laurie, par exemple. Bah oui, mais maintenant elle fait. Elle fait la voix de la fée Clochette, j'ai vu ça. Ah oui, si, ouais. Alors elle est actrice, c'est vrai. Et elle joue dans Joséphine Ange Gardien. Oui, voilà. D'accord. Donc remarque, c'est pas mal, hein. Je veux dire, c'est de la comédie. Mais voilà, ce qui peut arriver, c'est ça. Mais en même temps, en humour, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a toujours une date de péremption, j'ai l'impression quand même. Hein. Bah, c'est ça le problème. Et on peut... Ouais. Je suis pas sûr du tout. Mais on revient, c'est des cycles. Je pense qu'à un moment on t'abandonne malheureusement et on revient sur toi plus tard. C'est pas sûr si t'as un fond solide. Je pense que tu peux durer. C'est ça. Parce qu'il y a énormément de. C'est un truc un peu intemporel comme ça qui. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que ça peut fonctionner sur la longueur. Il y a des humoristes qui marchent sur la longueur vraiment. Ça fait, ils ont, je sais pas combien d'années de carrière. Et malheureusement, je pense que le problème avec Kev Adams, c'est ça. C'est que c'est périssable. Bah, le truc, c'est que j'ai l'impression que plus ça va exploser et plus ça va aller vite pour le début. Et plus ça peut redescendre très vite. Au contraire, le mec qui va galérer, qui va prendre le temps pour monter, il va avoir une base un peu plus solide. Bah déjà, je me dis, être propulsé comme ça avant 30 ans, avoir une telle notoriété. Bon. Notoriété, c'est bon. Bon, ça fait quand même quelques années qu'il a 18 ans. Hein, bon. mais là, il tourne des grosses productions. Ouais, oui. Voilà. Mais qui est dans le gros business quand même de l'humour. Je pense que lui, il restera quand même parce que c'est un des pionniers et tout ça. Ouais. Mais par contre, ce qui va se passer pour les autres humoristes dans le même style qui sont innombrables. Derrière quoi, en fait, ça va faire un peu comme les chanteurs à deux balles, enfin les starlettes en fait, ceux qui, ça va être un feu de paille, c'est-à-dire que ça va monter d'un coup et ça va s'éteindre aussi comme sec parce qu'il y a pas de, y a rien pour alimenter derrière le feu. D'accord. Mais il a fait un beat sur internet, hein, Kev Adams. Il a avec compté, il a fait, ouais, il a fait une chaîne YouTube qui était complètement nulle. Et notamment, il y avait, il y avait Charline Supio aussi qui était passée ici, hein, une jeune humoriste lorsqu'il a lancé son concours de jeunes, de 18-22 ans. Elle a été, donc elle a gagné ce concours, elle a fait ses premières parties à l'Olympia notamment et aussi en province, je crois. Et il a lancé cette chaîne Kikon là, donc avec plusieurs humoristes. Alors le but, j'ai pas trop regardé, mais je crois que c'était une mini-série. Moi j'ai regardé, c'était des c'était des sketchs en fait. Il a voulu faire ça n'avait pas de lien les uns ouais. avec les autres. Non non, ça avait aucun lien, ouais. mais c'était nul quoi en fait. C'était tourné avec les pieds, c'était écrit avec les pieds, c'était vraiment bizarre. Sur scène ou c'était non, c'était quoi, que sur le web. C'était des gags. Oui, la vidéo, c'était. Non, les vidéos, c'était ou... des sketchs montés comme un peu Studio Bagel ou Golden Moustache, tu peux faire. D'accord. Mais comme si t'avais 13 ans, en fait. De toute façon, je pense qu'il a lancé ça dans ce but de ce que tu viens de dire, là, c'est-à-dire de Golden Moustache ou d'autres. C'était, je pense, pour être sur le créneau, il l'avait dit. Ah bah, ils essayent tous, hein. Sur le créneau web. Mmh. Ils le font aussi, les humoristes dont ne demande qu'à en rire ont lancé leur chaîne. Je sais plus, c'est. Fred Testo a lancé sa chaîne aussi récemment, mais ça marche pas, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu de business. Allez, on va se faire une pause musicale. Il est 20h15. Vous êtes dans l'émission Rock'n'Roll. On est ensemble jusqu'à 21h. On est avec Thomas Dyson. J'ai envie de l'appeler comme Thomas ça. Thomas Dyson. Il nous a donc conseillé cette musique. C'est Muse ou Muse. Et on se retrouve juste après. Hystéria sur Fadjet. Can't touch this. Rock. N. LOL. Le 12e lundi de chaque mois, de 20h à 21h sur Fadjet. Can't touch this. Ah oui, on est dedans là. On est bien. C'était le rire de Bertrand, je tiens à vous le préciser. Il a un rire hilar. Non, c'est pas le tien ? Non, pas du tout. Mais tellement pas. Si, si. Par contre, les gars, va falloir à un moment donné, vous êtes à la radio. On invente des choses, l'auditeur le croit. Mais justement, c'est pour ça que je dis non. Bon allez, on poursuit l'émission, il est 20h20 et on va s'embarquer et bien sûr sur un bateau. J'aime à le dire et je le dirai toujours comme ça. C'est le bateau de l'amour, de la bouffe. Donc là les gens y croient vraiment. Le bateau, c'est très poétique, de la bouffe. De la bouffe de chut, de Bertrand Hans. Je voulais revenir sur un point marquant dans l'histoire de la cuisine, un moment fort, un temps d'émotion, un temps où la France, unie dans l'indignation et la douleur, a vu partir l'un des meilleurs. Je veux parler de l'élimination d'Olivier de Top Chef, le gothique en couleur. Celui qui avait une véritable âme d'artiste, un créateur de génie, un artiste bien plus qu'un simple technicien, celui dont on attendait systématiquement la création, le type très en retrait mais incroyablement présent, et que l'on a vu quitter la compétition aux portes de la finale. C'est aujourd'hui pour le remercier d'avoir su autant me toucher dans sa cuisine que je lui dédie cette recette. Les ravioles des ténèbres aux saveurs du printemps retrouvées. Nous allons donc réaliser une pâte à pâte, noire, en mélangeant 230 g de farine à 4 g d'encre de sèche, 2 œufs et une cuillère à soupe d'eau jusqu'à réaliser un pâton homogène. Filmer ce pâton et le réserver au frais. À côté, griller des poivrons rouges sous le grill du four, ou encore mieux directement dans les braises d'un feu. La peau doit être entièrement carbonisée. Retirer du feu, laisser refroidir et monder ces poivrons, prélever dans ces poivrons des disques de 6 cm de diamètre et les réserver également. Une fois ceci fait, laissez réduire du fromage de chèvre dans du cidre brut, du miel et de la crème liquide. Laissez cuire une vingtaine de minutes à feu doux et liez légèrement en fin de cuisson avec de la fécule de maïs afin d'obtenir une crème assez consistante sans pour autant être compacte. Pendant ce temps, concassez une gousse d'ail avec 5 tomates séchées, une vingtaine de feuilles de menthe fraîches et quelques baies fraîches de poivre vert. Ajoutez à la crème de chèvre, salez, laissez refroidir et mettre dans une poche à douille. Laminez la baisse de pâte noire et la découpez en disques de 6 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce. Garnir de la crème aux chèvres menthe et refermer hermétiquement la pâte en scellant les bords. Cuire dans un grand volume d'eau salée pendant quelques minutes et goûter ces ravioles. Nous voici donc arrivés au moment du dressage. Au fond d'une assiette, déposez un disque de poivron rouge, arrosé d'huile d'olive. Déposez une raviole sur le poivron, saupoudrez finement de curcuma afin de créer un contraste avec le noir de la raviole. Déposez quelques jolies feuilles de menthe en rappel et servir immédiatement. Olivier, je te souhaite un bon retour sur les berges du Styx Mosellan et merci encore pour ton clair-obscur gustatif. Oh, quand même. Ah, quand même. T'étais pas tristoun là Bah si, j'étais tristoun, bah, évidemment. Je regarde pas la finale de Top Chef ce soir, je suis touché moi. Si, tu vas la regarder quand même. Oui, je vais la regarder. Il est Mosellan, Olivier. Ouais. Ouais, il est Mosellan. Et puis c'est vrai que moi aussi, je pense qu'il avait tout à fait sa place et que ça a créé son débat quand même. Hein. Ça a créé son débat. Il y a des gens qui ont hurlé au complot. Ouais. Il y a même des gens qui ont insulté Etchebest de... Les mecs sont devant sa porte. C'est pas possible. Il lui jette des gothiques, il jette des trucs. Des crucifix. Bah, il est maudit. Il a déjà perdu la moitié de ses cheveux. Là. Ils vont se recueillir sur les tombes. C'est une horreur. Et donc, t'es pas parti sur le bateau de Bertrand. Dis-moi que t'es pas parti sur le bateau de Bertrand. Ah si, complètement. J'étais dessus moi. T'as vu? Ouais. C'est un conte. C'est un poète. C'est un poète de la nourriture. Il y a la malbouffe, mais il y a la bonne bouffe. Ah mais j'ai déjà goûté sa bonne bouffe. Et c'est très bon. Hein. Je rappelle, hein, il a un atelier de 1600 personnes à la MJC Pichon. Donc là, il prend plus d'inscription. Il est multimilliardaire. Il a d'ailleurs acheté la MJC Pichon. Voilà, et là je suis en train d'acheter la rue Fadjet aussi, tout ça. Donc bon, ça devrait plus tarder à ce que je sois maître du monde. Donc tenez-vous à carreau, les enfants. Voilà. Bon, allez, on poursuit cette émission avec Thomas. J'ai beaucoup aimé la rupture. Avec une transition. Le petit avec une transition de Michael. Je vous aurais pas fait là, mais j'ai une petite passe de danse dont je suis assez fier. Ah, tu peux. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Alors Thomas, on poursuit et bien notamment avec le projet Zone 42 qui est un petit peu le projet du moment, enfin de l'année dernière aussi, mais il y a eu des pilotes l'année dernière si j'ai bien compris. Oui, il y a eu 3 épisodes pilotes qui sont sur YouTube. Un projet Ulule derrière. Ouais, où on a récolté 3 200 € sur Ulule, mais du coup ça fait 2 900 à peu près parce qu'Ulule prend une petite commission. D'accord. Voilà, c'est la partie technique. Et donc là en gros, donc vous avez les moyens. Plus ou moins les moyens nécessaires pour commencer la série. Bah on a des tout petits moyens. Au final on a à peu près environ 3 000 €, ce qui est. Je me doute qu'on n'a jamais assez de moyens pour. Voilà, oui, surtout qu'on est sur une série fantastique, donc on a besoin d'énormément de moyens pour plein de choses. Mais tout le monde est bénévole. Là on bosse par exemple avec des maquilleurs à qui on paye le matériel, donc tout ce qui est latex et compagnie. Mais eux font tout ça bénévolement. Donc là, vous avez des gens pros et donc ils font bénévolement sur. On a des. Je sais pas, ouais, il y en a 2 qui sont pros, 2 qui sont encore à l'école. On a un mélange en fait de gens qui se professionnalisent à fond. On a un technicien de vidéo qui a énormément de matériel et ça, c'est chouette parce qu'il a vraiment du matériel professionnel pour le coup. On a 2 qui ont vraiment du matos de dingue. et où on paye rien. Et là, vous êtes en tournage, hein? Non, non, on n'est pas encore en tournage. On est en, là aujourd'hui, on a presque terminé l'écriture. Voilà. Normalement, on devrait faire une séance de lecture d'ici peu. Alors, explique-nous justement. Il y a combien de personnes participent à l'écriture des scénars? Alors là, on est deux à bosser sur tout ce qui est structure narrative, séquencier et scénar. Là, je pense qu'on va faire appel à Bertrand, d'accord, qui est juste à côté pour pour des punchlines, toutes les choses, rajouter un peu d'humour à droite à gauche. Et ensuite on va partir en phase de lecture et répétition, où là les scénarios vont encore changer, tout ce qui est dialogue je pense va être modifié jusqu'à arriver à un bloc final pour tourner ensuite. Voilà. Alors on peut savoir, un petit peu à titre indicatif parce que moi je m'y connais pas trop, le nombre d'épisodes potentiels sur une saison? Il y a un épisode zéro, donc qui est un peu plus court que les autres, qui permet de placer plein de persos, d'expliquer les persos, d'expliquer l'univers, et qui est à peu près de 3-4 minutes la durée, et ensuite il y a 8 épisodes de 10 minutes. Et en lien déjà avec les non, pilotes? Non, ça n'a rien à voir avec les pilotes, les persos sont un peu modifiés, il y a une intrigue, ça suit comme dans une vraie série, donc il y a des intrigues de persos, il y a un fil rouge, il y a des cliffhangers, c'est vraiment comme une vraie série. C'est feuilletonnant. Est-ce que tu peux nous rappeler, Thomas, ce qu'est un cliffhanger? Alors, un cliffhanger, c'est par exemple, à la fin d'un épisode, on arrive à un moment où un des personnages va être un nœud narratif important. C'est-à-dire, par exemple, il va ouvrir une porte, et là, l'épisode se coupe, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va voir. On a envie, du coup, de regarder. De voir la suite, ouais. Généralement, les gens ont envie d'aller voir la suite à ce moment-là. C'est un peu un truc de... Un gros suspense. C'est sournois, on peut dire. C'est sournois. C'est un peu sournois. C'est sournois, ouais. Et donc moi, ce que je voulais savoir aussi, animation très disco. Ouais, parce que ça ne se voit pas malheureusement à la radio, mais c'est que des fois je tourne la tête parce que je suis à la technique, automatiquement je passe sur un truc. Et oui, mais non, mais tu fais un peu de tapisserie en même temps. Je fais un petit peu de tapisserie, mais je m'emmerde pas avec ça. Je fais les vitres, enfin je fais deux trois trucs, quoi, un peu l'aspiro. Et puis, mais à un moment, voilà, il faut poser des questions quand même à notre invité. Et le nombre d'acteurs. Alors, le nombre d'acteurs, là, on a les acteurs principaux, ils sont 6. On a les 4 personnages principaux et il y a Bertrand dedans, comme j'ai dit juste avant. Ouais. On a un personnage féminin qui est venu, qui était beaucoup réclamé dans les épisodes pilotes, où on était que des mecs pratiquement. Mm-hmm. Et le méchant, on a le gros méchant de la saison 1 qui est déjà casté. Ensuite, on va avoir besoin de beaucoup d'acteurs secondaires. Alors là, on va faire des castings à ce moment-là. Ah là, c'est pas des figures, c'est des acteurs secondaires. Ouais, il y a vraiment besoin. Alors souvent, c'est des rôles de personnes qui apparaissent un épisode, mais qui sont super importants pour tout ce qui est de la dynamique comique de certaines scènes, ou de la dynamique tragique, parce que c'est pas une scène uniquement comique. Donc, si vous êtes intéressé par de la figuration, je pense que vous pouvez prendre contact avec Thomas sur la page. Pour du jeu aussi, hein. On a besoin. Il y a beaucoup de rôles à texte. Mm-hmm. Donc sur la page Zone 42 ou encore sur la page de Rock'n'Roll, vous laissez vos coordonnées et on transmettra. Voilà. À qui de droit? À qui de droit et qui s'occupera du casting? Parce que je pense qu'il y aura des castings quand même. Oui, il y aura des castings. On va aussi beaucoup aller voir les copains parce que c'est une série de copains avant tout. Mais oui, il y aura certains castings parce qu'il y a des personnages où on a besoin d'avoir un certain physique. Je suppose que vous êtes impatient de tourner là. Oui. Oui. Là, on est en train de terminer les scénars, mais ça fait 2 semaines qu'on dit ça et on n'arrive pas à trouver le mot de la fin, mais ça va venir là parce que je pense qu'ils en ont marre, les acteurs et tout. Non. Oh. Donc vous invitez tous les gens à suivre aussi la page pour ça, parce que moi j'ai suivi cette page et donc le déroulement un petit peu de vous donner un peu, faites un peu de teasing via la page Facebook, via c'est pas le Twitter peut-être aussi. Instagram. Bah en ce moment c'est un petit peu difficile de faire de la communication puisque on est en écriture, donc c'est pas très intéressant ce qui se passe, mais en parallèle on a quand même du maquillage qui se fait en ce moment. Oui. Donc on a pu mettre quelques images là-dessus, des photos sur ce qu'on appelle des empreintes, c'est-à-dire ils prennent l'empreinte du visage ou des mains de certains comédiens qui vont avoir du maquillage spécial. Mais une fois qu'on sera en tournage, là, on va voir énormément de contenu visuel, quoi. D'accord. Normalement. Donc tout ça, on peut le suivre très prochainement. Alors, il y a un site internet aussi, Zone 42. Alors pour le moment, il est en stand-by parce qu'il nous sert à rien. Donc on s'est dit, ça sert à rien qu'on travaille dessus. On n'a pas d'épisode à diffuser, on n'a pas de contenu réel. Donc pour le moment, il est à côté. C'est vraiment sur la page Facebook qu'on met tout. D'accord, voilà. La page Facebook de Zone 42. Il y a un Twitter Ouais, il y a un Twitter aussi. Vous tapez Zone 42, vous trouvez instantanément. On trouvera directement. Il y a eu des petits reportages aussi, notamment France 3, il n'y a pas longtemps. France 3 qui devrait nous suivre normalement sur toutes les étapes du tournage, puis de la post-prod et compagnie. Super, et eh bien voilà. On ne tardera pas à suivre cela. On fera bien sûr les transitions sur notre page Facebook de Rock'n'Roll. Et on va continuer encore, hein. Il y a encore une partie un petit peu interview avec Thomas tout à l'heure. On va s'écouter une musique, et là c'est sous les conseils de Marine, qu'on ne va pas tarder à entendre bien juste après Queen. Vous êtes dans Rock'n'Roll, il est 20h29, et on se retrouve juste après ça. I'm ready. Sur Fadjet. 20h-21h, Rock'n'Roll. Le deuxième lundi de chaque mois sur Fadjet. Can't touch this. Alors je ne sais pas si on est aussi hilar hein, à la fin du de, en règle générale de je reconnais bien ma voix. Ouais, c'est le rire du comico-cynique ça, non? C'est vrai. Bah si, tu sais très bien le faire. Bah oui, plus. Parce que c'est moi sur le truc, c'est ça. Il y a un don d'imitation celui-ci. Mais je pense que t'as plusieurs choses à exploiter. C'est ça, bah je vais faire des sketchs d'imitation, je vais montrer sur scène, je ferai des bruits de klaxon, de faire tout ça. Je pense. Alors on va écouter Marine. Alors j'ai pas vu avec toi. Est-ce que tu veux un petit truc derrière un petit truc musical derrière ta chronique? Ah bah tu... oui, pourquoi pas. Alors attention, on n'a pas du lourd hein, non plus, mais. Alors, on a des petits trucs dans ce genre, un peu bizarre. On a des petits trucs un peu suspense. Voilà, on a peur. Oh là là, oh, la stéréo, là. On a du. Ouais, c'est collège, ouais, c'est génial, je vais ouvrir mon truc, j'ai des bouquins. Eh bien, je le disais tout de suite, on retrouve pour sa première chronique ce soir Marine. Marine qui nous fait le plaisir et qui est la présence féminine de participer avec nous à Rock'n'Roll. Et peut-être que vous la reverrez sur les prochaines éditions. Et donc là, notamment, sa chronique va s'appeler LOLbrerie, c'est ça? Voilà, et donc bah, c'est à toi. Voilà, ma petite chronique, la LOLbrerie. J'ai même trouvé une petite phrase d'accroche. Vas-y. La LOLbrerie, la librairie. Des drôles? Non. Qui fait délirer? Ah, bon, voilà. Bah, d'accord. Alors, okay, je suis pas trop sûre de ça, donc on verra avec le retour des auditeurs hein, si on regarde ou pas. Oui. Dans l'hypothèse où je reviendrai le mois prochain. D'ailleurs, je te coupe juste une seconde, n'hésitez pas, parce qu'à chaque fois, on met des nouvelles chroniques à mettre on garde ou on jette à la poubelle hein, sur le ouais. Facebook. et on prend. Et comme ça, nous, on fait. Hein, on là, jette. Je pense on que ça va être. Avec Bertrand, on a déjà jeté combien de gars? 7. 7 personnes. C'est ça, les mecs écrasés au parking, là? Ouais, bah, les trucs, on les a dégonflés, donc ils sont. Alors, quand c'est une femme, on y met un peu plus de soin quand même, mais bon, le résultat est le même. C'est à toi, Marie. Ça va, il n'y a pas trop de pression, je suis contente. Alors, donc la librairie, c'est quoi? C'est un concept super simple. Je choisis une fois par mois, si je reviens, hein, oui. Un bouquin de ma librairie et je vous le présente, voilà, parce qu'il me fait marrer. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter un grand classique, enfin un auteur classique qui est Pierre Desproges. Pedro Desproges, vous allez voir, je le dis en espagnol parce que j'annonce le recueil que j'ai choisi aujourd'hui, qui est intitulé « Les étrangers sont nuls ». Ah. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu ce recueil. Et moi, je ne connais pas du tout. D'accord. Alors, ça, je savais. Il faut faire gaffe quand tu poses cette question à Bertrand, tu sais, il fait... Voilà. Alors, en fait, c'est un recueil de chroniques qu'il a écrit pour Charlie Hebdo en 1981. Donc, d'accord. Donc dans le recueil, il y a aussi les illustrations qui vont avec, hein, des illustrations dédicaces que je vais vous montrer maintenant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, effectivement, nous on les voit à l'écran, mais vous le voyez pas. Voilà, mais on pourra mettre. C'est super connu. Il a bossé pour le Flûte Glaciale. On pourra mettre le lien du bouquin qui me paraît d'ailleurs assez vieux, hein, mais qu'on peut retrouver certainement. Qui m'a coûté à peu près 13,50 francs. On peut retrouver sur Amazon, je pense. Hein, oui, c'est aux éditions Point. Voilà. Alors, je présente pas Desproges, hein, je pense que tout le monde situe à peu près. Mais j'ai découvert quand même, parce que je voulais un peu présenter les médias pour lesquels il a bossé, et j'ai découvert qu'il avait été chanteur. Desproges. Je vous jure. Alors quel style? J'aimerais bien savoir. Il a fait un tube, je pense, qui s'appelle Ça, ça fait mal à l'ouvrier. C'est dommage qu'on l'ait pas retrouvé. Ouais, ça. C'est un peu con. Bah, peut-être pour le mois prochain, je sais pas. Oui. Mais franchement, je l'ai écouté, mais c'est. Ça fait mal à l'ouvrier. Délire, c'est un truc comique. C'est hyper comique. D'accord. Voilà. Donc je le connaissais pas en tant que chanteur. Moi non plus. J'étais contente. Mm-hmm. Donc ça, bref, c'est pour Charlie Hebdo. Donc j'ai choisi un petit peu les citations qui me faisaient le plus rire. D'accord. Donc il attaque avec les Anglais. L'anglais pardon, est appelé ainsi à cause de ses traits anguleux. C'est pourquoi les Anglais sont tous des angulés. Voilà. Ah, ça annonce un peu la. Mais c'est vrai que c'était. Alors, en plus, moi, je vais vous dire, je suis un peu. Je connais sans connaître finalement. Pierre Desproges. Ouais. Ouais, moi, c'est mon idole. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Mm. Il avoine quand même. On est sur du jeu de mots, des choses. Ouais. Ouais, il a une écriture. Il y a de la réflexion quand même. Ouais, il y a de la voilà. politique aussi. C'est ce qui m'a toujours moi posé comme question aujourd'hui parce qu'il y en a qui font un petit peu ce style-là que je trouve un peu. Poussiéré entre guillemets. Ouais. Et comment on arrive aujourd'hui à amener dans l'humour ou dans le one man des jeux de mots, enfin juste que du jeu de mots ou du truc un peu politisé. Alors le jeu de mots pur et dur, c'était plus de vos, ça. Ouais. C'était plus dans des phrases, un phrasé super compliqué, ouais, un style. Bah, vraiment, je trouve que c'est un style des proches. Et du coup, c'est intéressant justement que t'en parles là parce que, alors je sais pas, bon, forcément l'âge des auditeurs, mais les plus jeunes, c'est pareil, ils doivent certainement connaître le nom. Ils ne vont absolument pas, à mon avis, voir sur YouTube ou sur d'autres des sketchs des proches de l'époque. Quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant parce qu'il a quand même fait un spectacle. Alors du coup, ça pose un peu ce problème de liberté d'expression avec Dieudonné. Alors, je ne suis pas du tout là pour en débattre, hein, mais des proches, c'est quand même un mec dans les années 80 qui arrive sur scène. La première phrase de son spectacle, c'est « On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle ». Déjà, tout le monde est mort de rire. Et on est quand même vachement... Enfin, on est proche de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus proche qu'aujourd'hui. Donc, c'est marrant cette. Tu te sens en fait plus qu'aujourd'hui. Donc, on attaque peut-être plus un Dieudonné qu'un des proches à l'époque. Après, c'est pas le même. Enfin, après, c'est pas la même. C'est moins intelligent. Enfin, Dieudonné, c'est peut-être moins bien fait. Enfin, c'est carrément moins bien fait que des proches. Après, sur le. Enfin, je sais pas. Bah, moi, je suis assez d'accord. Le débat, on avait parlé il y a un mois ou deux sur Dieudonné. Et c'est vrai que, justement, pour citer. J'avais cité des proches. Et en fait, c'est-à-dire que Desproges, il fait une blague sur les Juifs en leur serrant la main à la fin du spectacle. Enfin, une petite, il les pousse un petit peu dans le dos ou un truc comme ça. Alors que Dieudonné, il t'appuie tout le temps du doigt sur la joue en disant ah, c'est de l'humour, c'est bon, c'est pas chiant, t'inquiète pas. Et ça fait chier en fait à un moment donné. Ouais. C'est plus lourd quoi. Peut-être avec. Après, il est tout à fait libre de s'exprimer. Bien sûr. Bon vieux, gros Dieudonné. J'enchaîne donc avec une autre citation sur les Grecs. On peut dire des gros mots ou pas ? Oui. Ouais, d'accord. Alors, les Grecs sont appelés ainsi parce qu'ils sont tous pédés. Alors, non, on dit plus gros. j'avais tiqué à grec déjà. Ne dit-on point va te faire enculer chez les Grecs. Ah oui, d'accord. Oui, alors qu'on dit beaucoup plus rarement va te faire enculer chez les Béliffontins. D'accord. Donc, voilà. Peut-être qu'on peut mettre des bips hein, quand même sur les insultes, mais effectivement, oui. Donc ça c'est dans le bouquin. Alors voilà, ça c'est des citations. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire un petit jeu. Donc je censure. Enfin, je sais pas faire le bruit de la censure, mais la nationalité et vous. Ah, on doit trouver. Okay. D'accord. Donc ce que je peux faire, alors, c'est peut-être tu me fais un signe de la main et je fais pour le bruit de la nationalité. Ouais, je sens que ça va être simple. Un truc simple. Hein. C'est violent. Je pense que tu tues les nationalités comme ça, François. Moi, je suis désolé, j'accepte pas. Alors, quoi. Allez, on y va. On commence par une mignonne. Il y a deux sortes de. Les anglophones qui parlent dans les angles et les francophones qui parlent normalement. Ok. Okay. Les anglophones qui parlent dans les angles et les francophones qui parlent normalement. C'est des étrangers. Les Belges. Non. Les Hollandais. Ouais, t'aurais pu être pas loin des Belges. Ouais. Les Bretons. Ouais. Non. C'est les Canadiens. Les anglophones qui parlent dans les angles, c'est quand même. Trop con quoi, mais moi j'adore. Ouais. Ça me fait rire. D'accord. Bref, je sens que ça fait un petit but. Non, pas du tout. Au pire, balance ça sur des proches, c'est de sa faute. C'est que je pense qu'on y réfléchit en même temps que tu nous le dis, tout simplement. C'est-à-dire que moi j'essaye de réfléchir, je me dis ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est un moment latent qui sert à rien, mais qui pour toi peut être un peu compressant, effectivement. Alors on enchaîne. Penchons-nous sur un moyen. C'est facile, le. Moyen est tout petit. Qu'observons-nous ? Le moyen est exactement comme un japonais. Le chinois. On ne peut absolument pas distinguer un japonais d'un. Bien joué. C'est vraiment pareil. Bien joué. Alors quoi, effectivement, c'est mieux comme ça. Donc tu vois, finalement, quand on utilise un peu plus l'étranger entre guillemets, on arrive plus facilement. Donc le chinois. Est-ce que tu en as d'autres ? Un dernier, un petit dernier, ouais. Ouais. Alors la est appelée ainsi pour que nous ne la confondions pas avec les couilles, qui sont deux, elles aussi, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence de latitude. La... J'ai rien bité. Je recommence. Oui. La... est appelée ainsi pour que nous ne la confondions pas avec les couilles, oui, qui elles aussi sont deux, mais qui vivent plutôt en bonne harmonie malgré la légère différence d'altitude. Alors, aucune idée. Les pouilles, non. La Corse, non. La... un truc avec la dualité, enfin voilà, il y a quelque chose. Il y aurait tu deux vois en conflit. Ouais, coup, la Corée. Voilà. Oh là là là là. C'est la première fois qu'on me dit que je joue en géographie, ça me fait très plaisir. Voilà. Et moi, je me suis senti, mais alors, un vieux chewing-gum sous une chaussure, quoi. J'ai rien compris. Donc voilà. C'est super méchant pour les chewing-gums. Bah, c'était plutôt sympa. Donc, je vous le recommande, franchement, c'est super. Et, alors, redis-nous le titre précisément. Donc, c'est Les étrangers sont nuls. Ouais. Donc, ça finit par les Français quand même. Ça, faut le lire, j'en parle pas, vous verrez par vous-même. Mais c'est corrosif tout le long. Ouais, voilà. Surtout sur les Français. Ça n'a jamais été interdit comme bouquin. Non, bah non, c'était dans Charlie Hebdo, donc voilà. D'accord. Bon bah écoute, c'est le conseil de Marine, c'était la LOLbrerie selon Marine, et je pense qu'effectivement tu reviendras chaque mois. Alors approbation générale ? Ça me va. J'approuve. Alors bon, les mecs, j'approbe. Un petit peu plus ambiance quand même, hein. Parce qu'il... Merci. Bon voilà, donc je pense que tu reviendras chaque mois si tu en as envie pour nous proposer de la littérature humoristique comme voilà. Ça. Et ça nous fait refaire un petit tour aussi dans le passé, parce que effectivement, moi, je suis peut-être un peu inculte dans ces types si d'humour, et je regarderai aussi. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on le mettra effectivement sur la page de Rock'n'Roll pour ceux que ça intéresse. Allez, les 20h42 minutes, c'est le retour du comico-cynique. Le retour du personnage comico-ciné, au charisme bien sûr indéniable, c'est Bertrand. Et Bertrand donc là est allé voir tout simplement un film d'animation. C'est vrai. Et quelqu'un d'autre, tu vas le préciser. Donc dans un premier temps on va parler de J'ai pas mangé mon père, c'est cela ? C'est cela même. Allez, sur ça. Allez, vas-y, comico. N'étant pas, oui, je suis comico cynique, ça va. N'étant pas spécialement hostile à l'humour de Jamel, et admiratif d'ailleurs du parcours du gars, improvisateur, humoriste, ayant d'ailleurs fait beaucoup pour l'impro, je voulais aller voir le film, dont la promo était d'ailleurs assez conséquente, avec des trailers qui promettaient du très bon. J'avais certes quelques réserves, me soufflant qu'il était possible qu'il y ait quelques grosses ficelles, quelques clichés, mais je partais avec l'espoir de me faire surprendre. Et j'ai été surpris, oui. Surpris de m'emmerder à ce point. On s'attend à la plupart des blagues, déjà d'une parce qu'elles sont très scolaires ou déjà faites tout au long de la carrière de Jamel. Les approximations de langage qui font partie de sa signature artistique fonctionnent toujours, mais on s'en lasse très rapidement. Le scénario est assez linéaire et sans grande surprise, pas de twist qui renverserait la situation. On s'attend à ce que tout se passe comme prévu et donc c'est un poil ennuyeux, déjà qu'on rigole pas. Le décor et les lumières sont très plaisants à regarder et on s'y sent bien, mais l'animation en elle-même, faite en motion capture, laisse clairement à désirer dans la mesure où les visages paraissent aussi émotifs que des planches et par conséquent inexpressifs. Les dialogues, quand ils ne sont pas cacophoniques, ne sont pas transcendants, et même si le personnage d'Edouard, interprété par Jamel, est attachant, quand même, le reste de la distribution est inégal, avec des personnages tout à fait clichés dans leur interprétation et parfois même insupportables à entendre. On notera 2-3 idées légèrement originales qui font sourire, mais pas de quoi redresser une œuvre très bancale. Le fond de l'histoire délivre cependant un joli message, certes convenu mais tout à fait respectable. C'est un peu dommage, même si je m'attendais à pas un truc exceptionnel, je m'attendais tout de même à autre chose que ce film. Un seul point positif, c'est que ça m'aura permis de me plonger un peu plus dans l'œuvre So Groovy de Stevie Wonder, et pour ça je remercie Jamel. En espérant que la suite nous réserve de plus heureuses surprises, je ne vous le conseille malheureusement pas. Bon, d'accord, hein, c'est fait. Effectivement, donc il y a sa femme aussi hein, dedans. Il y a Louis de Funès. Il y a Louis de Funès aussi. Oui, ouais. C'est pas. Oui, voilà. Alors tu le vois, des fois tu fais. Ah oh, ouais, c'est comme Louis de Funès, ça ressemble pas du tout. Ah si, pas là. Non. Mais je comprends pas l'intérêt de ce truc. Enfin. Bah, c'était certainement un truc pour. Je trouve ça vraiment méchant pour l'acteur qui a fait ce truc-là, là. Parce qu'il y a un acteur qui a fait les mouvements de Louis de Funès et un acteur qui a fait sa voix, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est eux qui ont joué le truc, quoi. C'est bizarre, tu vois. Oui, bah après, c'est comme un doubleur ou ça. Ouais. C'est super étrange. D'ailleurs, j'ai une honte à vous faire passer aussi. J'ai regardé moi-même, ce n'est rien, hein, ce n'est pas dans le même ordre d'idée, mais j'ai regardé un film hier soir qui s'appelle Les Seigneurs. Ah, j'ai regardé, je l'ai regardé aussi. Oh là, c'est pas avec. Je refuse. Voilà, c'était. C'est avec tout le monde. C'est pas avec le Chabage, les stars et tout ça. Si, tout ça. Donc là, on est dans du lourd, je pense, hein, au niveau. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est censé donc être drôle, mais du coup, c'est parodique, hein. C'est triste. Enfin, c'est tristement drôle parce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, pour moi, hein, c'est méchant, ce que je veux dire. Il y a pas eu beaucoup de com hein, sur ce film. C'était pas bon. Je crois que c'est normal. C'est un film du cinéma quand même. C'est pas au cinéma. Il y avait qui dedans? Gad Elmaleh. Ah bah il y a tout le monde. Gad Elmaleh, Ramsey, Franck Dubosc, Joe Star. Il y a un truc de foot, non? José Garcia. C'est en fait pour le petit pitch, c'est un entraîneur, donc José Garcia qui tombe dans les rôles à drogue, etc., et qui ne retrouve plus de club. Et là, il est envoyé à Molène, donc un club sur une île au large de la Bretagne, je crois. Mm-hmm. Et donc il doit reprendre en main ce club. Et donc il reprend en main ce club et il rappelle des anciennes gloires qui sont toutes plus en état lamentable les unes que les autres. Et donc voilà, ce film tourne autour de ça, bien sûr, comme toute bonne comédie française un peu. Donc ça finit bien. Mmh. Voilà, donc il remonte le club et il joue quand même contre Marseille. Et tu vois que les mecs jouent au foot, mais d'une catastrophe. Il y a José Garcia qui joue contre l'Olympique de Marseille un moment. Non, mais c'est horrible. C'est ultra pas mais crédible. L'Olympique de Marseille, les mecs sortent d'un PMU, ils ont tous un bide. Il y en a pas un qui joue au foot de sa vie. Non, c'est. Et puis surtout, l'équipe de foot, tu vois que les mecs savent pas courir. C'est horrible. Enfin, non, je crois que le pire, c'est la scène où ils nous font croire que Gad Elmaleh sait jouer au foot avec un ballon en PlayStation 2. Ah, j'ai eu du mal à comprendre son personnage. On voit vraiment le ballon qui est faux. Donc il est névrosé, j'ai eu du mal à comprendre son personnage. Enfin, on va pas. C'est vrai qu'on s'est étalé sur les seigneurs, mais c'était pour vous dire que j'avais vu ça hier et j'étais suffisamment étonné que ce genre de choses puisse passer au cinéma. Puisse être financé. D'ailleurs. Alors, on poursuit notamment aussi Bertrand avec le professeur Rollin sur Rebif. Ouais. Et ça, pour le coup, en fait, ça revenait un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure en disant que il y avait plus de. Enfin, à un moment donné, les humoristes, c'est terminé pour eux. Je trouve que Rollin a toujours eu un parcours linéaire, en fait. Enfin, je veux dire, il a jamais eu trop de. J'ai jamais été une grosse vedette, mais il est resté tout le temps au même stade, quoi, en tout cas. Et du coup, ça aussi dans le, on fait dans le vieux hein, aujourd'hui. Ouais, c'est que... ça, on est dans le rétro, mais c'est bien. Mais Rollin, il fait énormément de textes pour d'autres humoristes aussi, donc. Enfin, notamment les gens de. Enfin, il apparaît même dans une série d'anciennes, Rollin. Dans Mission Jean Dujardin. Mission Jean Dujardin. Et peut-être dans leur future série. Oui, alors j'ai du mal à. Ouais, comment ils. C'est vrai qu'ils vont chercher quand même du monde un petit peu à gauche à droite. Hein. Ils démarchent et puis ils y arrivent surtout. Bah, c'est ça. Et il est très disponible, hyper sympa apparemment, Rollin. Et donc, du coup, je suis allé le voir en spectacle à Tomblaine. Et voilà, dès le début, d'entrée de jeu, on s'en prend plein la tronche avec une assertion des plus absurdes qui donne le ton, qui nous dit qu'on est bien face au professeur Rollin. Cette manière, bien à lui, de transformer l'anecdotique en exceptionnel. Ce talent pour faire gonfler le plus faible des enjeux en contexte de la plus grande importance. Le professeur est toujours prêt à répondre aux questions qu'on lui pose et c'est heureux que nous enrichissons la lumière de ses explications, tantôt précises, tantôt complètement absurdes. On est dès le début emporté dans son univers si poétique, si farfelu, si confortable. On a l'impression de partir en voyage très loin dans une perception de la réalité complètement différente et pourtant juste à côté de nous. Si le personnage nous apparaît comme sympathique et avenant, il n'est nullement léger. Il aborde entre deux loufoqueries des sujets bien plus profonds et très actuels, tels que la bien-pensance, qu'il qualifie lui-même de forme insidieuse de censure. Sujet qu'il abordera avec pertinence, mais non sans cet humour caractéristique qui le définit. Cet humour intelligent, cette intelligence qui ne cherche pas à faire rire en impulsant des électrochocs au cerveau toutes les 4 secondes, mais plus à travailler le cerveau. Dans un lent crescendo, il lui impulsait au moment adéquat l'étincelle qui enflammera son hilarité. Si on transpose en musique, on est sur du Pink Floyd de l'humour, et ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Que la forme met le fond en valeur, que la manière est au service de l'art, et qu'au final, c'est avec plaisir que le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Donc voilà, Bertrand, aujourd'hui, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, là c'est le positif. C'est ça. T'as kiffé ta race, comme on dit, dans le métier. Oui, dans le métier, on dit ça. Et finalement, en fait, même si Jamel est beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne dans sa démarche, bah des fois, ça suffit pas. Je pense que le fond, comme là, Rollin, et restera toujours plus important dans les métiers artistiques. Il a une voix aussi, moi j'adore. Voilà. Alors, c'est pour ça les voix de radio, mais je trouve qu'il a une voix aussi de radio, Rollin. Donc voilà, c'était les conseils de Bertrand. À suivre ou pas, hein, c'est votre choix. Oui, mais au moins, c'est le sien. Et les avis sont toujours bien, bien détaillés. Allez, on va s'écouter. Il est 20h49. Il nous reste plus que 10 minutes ensemble. On va s'écouter Stevie Wonder. Et là, c'est les conseils de Bertrand. Superstation. Ouais, je vous avais dit que j'étais à fond dedans. Allez, on se retrouve juste après ça. Let us not to fall. Superstition sur Fadjet. Fadjet. Alors, vous l'avez vu, vous êtes à l'écoute de Rock'n'Roll. Et on a des choristes hein, dans l'émission aujourd'hui. On a Marine, on a Thomas, notre invité, on a Bertrand. Mais on a même aussi Florian hein, qui est venu observer l'émission et peut-être qu'il participera un jour. Tiens, un petit Fadjet. Malheureusement, il a pas de micro, mais il est là, il est bien présent. Vous pouvez le voir sur la photo, d'ailleurs, qui est publiée sur la page Facebook. On a le cesse de le dire. Venez nous aimer. Bah c'est vrai quoi. C'est vrai. Venez nous aimer parce qu'on aime être aimé. Je dis rien parce que j'ai eu peur de tes yeux. Avec Bertrand, on a lancé cette émission il y a combien de temps déjà? 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois. C'était aussi l'idée de faire partager l'humour en Lorraine sous toutes ses formes, sans pour autant faire que de la gaudriole à l'antenne. Je pense qu'on essaye. On est sur de la gaudriole, on est sur de la faribole, et on est sur de, sur de la galéjade. Et on est aussi sur de l'information. Et effectivement, c'est un peu le but de cette émission. Donc n'hésitez pas aussi, simplement peut-être par le biais de la page, de venir nous donner votre actu si vous en avez envie, tout simplement, que ce soit du one man, de la comédie, du spectacle, de l'humour. Du concert même. Il y a tellement de choses sur la thématique humour aujourd'hui, et surtout en Lorraine, je pense. Et donc, n'hésitez pas à nous en faire part. D'ailleurs, il ne faut pas oublier l'autopromo. Alors, Marine, on va peut-être en parler juste à la fin. On va continuer d'abord avec Thomas, et on va faire une dernière petite interview quelque chose de somme toute sympathique, parce qu'on veut en savoir un petit peu plus sur toi. On a un questionnaire assez technique, hein, c'est subtil. Est-ce que tu serais plutôt un mec parfait ou un sombre mutin ou peut-être encore une moitié d'enflure. Ça, on va le savoir parmi un sombre mutin, j'aime bien. Un sombre mutin. Il y a quelques questions hein, qui sont somme toute basiques. Il y a une petite question un peu chaude, un peu coquine. Avez-vous déjà couché avec la copine ou le copain d'un pote? J'ai la réponse qui doit être normalement pour savoir si vous n'êtes pas une enflure. Hein. Non. Bien. T'es vraiment dans la promo là. Deuxième question. Ah ouais. Savez-vous faire des ricochets? Ouais, ouais. Très important parce qu'on peut le tester ici. Au moins 12. Mets la bassine d'eau, Bertrand. Allez. On va voir ça. Au moins 12. Quelqu'un peut faire un bruitage? Avez-vous déjà dit qu'il est mignon pour l'enfant d'un ami alors qu'il est aussi attractif qu'une mycose? Toujours. Mais en fait, c'est vraiment moche un bébé. Vraiment. C'est une grosse boule de peau. Tu le regardes vraiment juste après la sortie. Oui, ça dépend. Ouais. Alors effectivement, s'il vous plaît, arrêtez. La radio va s'arrêter. Donc par contre, donc effectivement, dites-vous sincèrement, je suis en retard et pas désolé. Je viens de voir ton message est en réu. Non, j'essaye de corriger ça, mais je dis que je suis en retard. Tu ne mens pas sur. Mais je dis que je suis en retard quand je suis en retard, donc ça sert à rien. Truc essentiel aussi. Avez-vous déjà mis la petite barre de séparation sur le tapis de caisse du supermarché pour permettre au suivant de poser ses courses? Ouais. Et la personne t'a dit merci? Non, ils s'en foutent. Ok, donc tu le feras peut-être plus. Sixième question. Avez-vous déjà mis, alors c'est question réseaux sociaux, avez-vous déjà mis peut-être sur des événements Facebook sachant pertinemment que vous n'irez pas? assez régulièrement. C'est-à-dire que on reçoit énormément d'invitations de spectacles ou de choses comme ça quand on fait de l'impro et on peut pas aller à tous les spectacles, on est d'accord. Oui. Mais des fois on n'a pas envie de mettre je refuse mais peut-être. Mais des fois tu penses vraiment peut-être que je vais y aller. Pour moi sincèrement pour avoir organisé des spectacles, le peut-être est toujours un non. Ouais. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah, ça dépend. Là j'en avais 38 des peut-être vendredi soir. Je veux dire que sur les 38, j'ai toutes les adresses, il n'y en a pas un qui est venu. Tu veux qu'on les retrouve? Ouais. Ok, il fait autant flipper que quand il nous demande de nous aimer. Hein. C'est vrai que j'ai un petit ton un peu autoritaire. Ouais, il est hyper énervé. Et dernière chose, avez-vous déjà signalé des gens ou des photos sur Facebook? Non. Par plaisir? Non. J'ai déjà fait le truc, je ne veux plus voir ça. Parce que c'est du contenu indésirable. Parce que c'est dégueulasse. Parce que fois, il y a des gens, ils se mettent à moitié nus, mais t'as pas envie de les voir à moitié nus. Donc je ne veux plus voir ça. Bah si, tu l'as signalé. Non, c'est pas signalé, c'est juste que ça s'affiche plus sur ton truc. Mais c'est masqué, du signalement? Ouais. Non, c'est masqué, les actualités. C'est vrai qu'il y a des gens sur Facebook, faut s'accrocher. Souvent, il y en a certains qui publient, alors déjà, tous les jours, ils nous font le bilan de santé de leur gosse, alors qu'on, c'est vrai qu'on s'en fout. Arrêtez, Bertrand. Ils mettent carrément même les bilans, les résidus, les selles de leurs enfants. Ça y est, elle est enfin sur le pot. C'est quoi, t'es sur un réseau social de docteur ou quoi? Je viens de Haute-Marne, attention. Voilà. Donc, on va s'en arrêter là avec le petit questionnaire. On en sait déjà plus sur Thomas. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et donc Thomas, alors d'ailleurs si on poursuit un petit peu, on a vu Zone 42, on l'a pas encore vu mais on attend de le voir. Et la suite perso ou peut-être alors vis-à-vis de d'autres courts-métrages en cours, c'est le cas de le dire, peut-être un spectacle, je lui dire peut-être que tu te produirais, je ne sais pas. Oui, alors de la suite, bah déjà je vais continuer l'impro, ouais. Je développe plusieurs spectacles à côté, à droite, à gauche avec différentes personnes. Mm-hmm. Je vais pas faire un je fais un sketch, je vais jouer mon premier sketch tu écrit en juin. Le 5 juin au Luxembourg. D'accord. Au Luxembourg. Oui. Ouais. On m'a proposé, en fait on m'a dit est-ce que ça te tente de jouer un sketch écrit. Au début je dis mais je suis pas humoriste moi, et on m'a dit allez, on m'a poussé un petit peu, je vais allez OK. Je vais voir, peut-être que je vais me planter, on ne sait pas. Mais... Et cette question qui est là est bien précise, effectivement. On fait de l'impro, on sait qu'on aime l'humour. Est-ce que c'est le passage obligé? On la pose souvent cette question-là. Est-ce qu'un humoriste est un vrai humoriste à partir du moment, du simple moment où il passe sur scène? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une suite un peu logique en termes de faire de l'impro, puis au bout d'un moment, on veut faire de l'impro. Moi, l'impro que j'aime bien, c'est de l'impro qui ressemble à de l'écrit. Tu penses, toi, qu'on n'est pas obligé de passer par le one man? Ah, pour être humoriste? Ouais. Ouais, quand même. Bertrand, enfin, lui, c'est non. Je sais pas. Non, moi, je pense pas. Tu peux être humoriste juste dans l'écriture, peut-être. Bah, par exemple. Est-ce qu'on peut être humoriste, on en parle suffisamment, qu'en vidéo que... Comme par exemple. Ah oui, parce que maintenant, il y a des humoristes sur des vidéos sur internet, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, on n'est pas obligé de passer sur scène, du coup, parce qu'il y a certaines personnes. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on passe souvent. Qu'on pense... Humoriste, du moment que tu proposes une diffusion, qu'elle soit, qu'importe le support, c'est vrai que généralement, tu penses directement humoriste, scène, planche, public. Bah ouais. Voilà. Est-ce qu'on te posera la question à un moment donné? Si tu dis, bah, je suis humoriste, par exemple, même si c'est déjà très compliqué de dire je suis comédien ou je suis humoriste, et de dire, bah voilà, tu joues ton spectacle, pas avec les autres, pas avec Pierre, Paul ou Jacques, mais ton spectacle en solo. Ou en duo, hein, comme Marine d'ailleurs qui joue aussi en duo. Mais moi, je pense aussi quand même que c'est un passage un peu nécessaire. Mais c'est dur. Hein. Enfin, moi, je sais que là, je suis en pleine réflexion de ce que je vais faire, de avec qui, de comment, et tu te poses plein de questions, quoi. Mais c'est pas mal, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à suivre aussi peut-être par ta page perso si vous avez envie de le suivre, Thomas, sur internet. J'ai pas de page perso. Ouais, bah, c'est mon compte, voilà, Facebook. Ça. Oui, voilà, c'est ça, ce que j'ai ta page perso, c'est ton compte Facebook. Et, ou alors sur Zone 42. Et ben, on va poursuivre dans les actualités. Et bien, en Lorraine, ce mois-ci. Alors, au niveau One Man, on n'a pas grand chose. On a simplement le NCC, le Nancy Comedy Club, la semaine prochaine à la salle Rograph. Le samedi, pas la semaine prochaine, ce samedi 18 avril. Donc, ça, allez voir sur la page du Nancy Comedy Club. En impro, il y a pas mal de choses encore ce mois-ci. Notamment, bien, après-demain, c'est un jeudi 16 avril, le banc public par l'association donc les Schizos au Clou sans tête. Il y a la finale de l'impro Stan Cup, donc un tournoi qui se déroule toute l'année entre différentes équipes, donc les Schizos, la Stanislas dont Bertrand et Thomas font partie, le Peps nouvellement arrivé, le Minou de Metz et un Prodisiac. Il y a aussi le 12 mai le Grand Barouf par l'association SDI, donc là c'est une réunion de toutes les troupes nancéennes, on peut le dire ainsi. Alors, on est dedans nous trois. Et on est dedans aussi, oui effectivement. Et donc ça c'est le 12 mai à la MJC Pichon, je crois que c'est un mardi. Les tarifs 6 euros et 4 euros en pré-vente. On a peut-être autre chose à signaler? Oui, le 22 et le 23 avril, au clou du spectacle, il y a deux spectacles. Du coup, on a trouvé le nom. On a trouvé le au clou sans tête. Oui. Qui vont s'appeler Big Bang Stories. Oh yeah. Qui sont deux spectacles issus du concept Freeform. C'est un concept